Radiomatic. As all things are filled with my soul, filled with my soul. As all things are filled with my soul, filled with my soul. things are filled with my soul. Filled with my soul. Filled with my soul. L'artiste égyptien Noor Fazi offrait sa composition As All Things en guise d'entrée en matière pour cette transmission 107 d'Audiomatic. Cette pièce se trouve sur son premier et seul album intitulé Fragmented, paru en 2015. Pendant que le temps passe, une humanité entière existe à notre insu. Nous n'en saurons probablement jamais rien sur ce qui se trame en parallèle. Parfois, le temps s'arrête entre deux intervalles, et lorsqu'il recommence sa course, il nous enfonce au fond de la gorge une réalité que nous avons déjà connue, mais de laquelle nous ignorions depuis un moment la tangente. Pendant un temps, nous étions conscients d'une certaine réalité, puis, pour une raison ou pour une autre, nous avons été détachés, volontairement ou non, de cette réalité. Sans pour autant oublier, nous avons été tenus à l'écart, et le temps a continué malgré que cette réalité pour nous est restée figée. Puis, sans crier gare, sans que nous nous y attendions, notre espace-temps est bousculé par le retour de cette réalité qui a continué à évoluer en parallèle de la nôtre. Parfois, la surprise est agréable, parfois, le choc est brutal. Les électronistes ont érigé les structures d'Audiomatic pour, entre autres, réduire l'emprise du temps sur la continuité. Puisque tout n'est qu'une question de perception, à Audiomatic, les secondes deviennent des notes et la durée se mesure parfois en silence. On vient tout juste d'entendre à Audiomatic l'artiste d'origine brésilienne basée en Allemagne, Dillon, D-I-L-L-O-N, et la chanson Lightning Sparked de son deuxième album intitulé The Unknown, lancé en 2014. Précédemment à Dillon, il s'agissait du duo australien Hempty et leur composition Deprivation de leur premier album Surfacing. Et en amorce de séquence, nous avions droit au groupe néerlandais Predella Avant et la dixième pièce de leur album Carbon Figures. Nous écoutons maintenant Kixosis, le projet de l'artiste équatorien Danielo Fredorata. Thank you. Précédemment à l'interférence publicitaire, nous entendions Chima Chima et sa pièce La Ultima Cena dans une version retravaillée par le projet Barda. Celle-ci se trouve sur la compilation Confluencias Volumo Dos Montaña, qui propose une sélection d'artistes assemblés par le net label du collectif Chica Chica. Avant cela, c'était le projet El Own et Shattered, une composition se trouvant sur son album Heart and Soul, paru en 2014. Et ce qui amorçait la séquence musicale était le projet équatorien Kixosis, duquel nous écoutions la pièce Lavadora, enregistrée durant une performance publique. Celle-ci paraît sur l'album de Kixosis, intitulé The Future. Passons maintenant de la parole dite à la parole chantée avec le duo Numéro à Audiomatique. Moi, jeune français, j'ai aimé le basketball, les dunks de NBA, à la Scottie Pippen. Le mercredi après-midi, je regardais la télé. Hélène, Juliette, je t'aime, m'ont appris à aimer. Le samedi dans la ville, les salles de cinéma, en groupe on fait du bruit et des vieux nous engueulent. Tu viens chez moi demain, on jouera à Zelda, on parlera d'Amandine. Là. Finalement, on veut la même chose. On est le même produit et j'ai les mêmes réflexes. Finalement, dans la vie, on veut la même chose. On est le même produit et j'ai les chambre, je rêvais à Brooklyn, des stars du gangsta rap, j'essayais même des rimes, mais j'avais rien à dire, moi j'étudiais en droit, avec des gens gentils qui révisent leurs examens, un stage en entreprise, je me rêve la secrétaire, un genre d'Ali McBeal, juste un peu plus vulgaire, dans les toilettes j'y pense, et puis je me sens sale, je rougis devant elle, elle me prend pour les mêmes envies, 2-3 Kleenex, pornographie, les mêmes nuits blanches, la même fatigue, lundi, dimanche, télé stupide, le même regard, vif effacé, la même phrase, je sais pas ce que j'ai, les mêmes regards, les mêmes projets, les mêmes phrases, les mêmes. Can you complete me? Audiomatique, nous terminions ce segment avec l'artiste suédoise Yona Lee, qui œuvre sous le pseudonyme de I Am, Am I, Who Am I, et qui nous présentait sa chanson Dive, que l'on peut retrouver sur l'album Blue Island, qui est en fait un prolongement de l'album Blue. Blue Island est un album que l'on peut se procurer en achetant son accès au coût de 20€ à la plateforme The Island, à laquelle on accède en ligne et qui nous permet de consulter du contenu tant musical que visuel, et ce, en constante mouvance. Avant I Am, Am I, Who Am I, nous entendions I Am X, le projet de Chris Corner, et la chanson Eternity de l'album Everything is Burning, Metanoia Addendum. Cet album regroupe 7 nouvelles chansons qui ont été composées à l'époque de l'album Metanoia, mais qui n'y s'y sont pas retrouvées, en plus de 9 versions remixées de chansons apparaissant sur Metanoia. Et en début de bloc, le duo Numéro, basé à Montréal, nous interprétait la chanson Produit numéro 1 de leur album Sport de combat. C'est sur une composition mariant la musique classique contemporaine avec la lourdeur de la guitare électrique que nous concluons la transmission 107 d'Audiomatique. Cette composition qui se nomme Walls, c'est le projet suédois Parka Pace qui nous l'offre sur son album Romspanung. Les électronistes qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 108 d'Audiomatique. nos sites facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique sont toujours des références si vous désirez en apprendre davantage sur l'émission et surtout si vous souhaitez écouter toutes nos anciennes transmissions en balado-diffusion. Voici donc Parker Pace et la pièce Walls. Bonne écoute et bonne semaine.